Les Odyssées de France Inter avec Pronote. Toute la vie scolaire en une seule appli. Pour les profs, les élèves et aussi leurs familles. Hé, dis-moi, tu la connais celle-là? Où trouver un pirate qui a une jambe de bois? Ma foi, mais là où tu l'as laissée? Oui, je te l'accorde. Ce n'est pas tout à fait ma meilleure. Et d'ailleurs, les pirates n'ont pas tous une jambe de bois? Les crochets à la place des mains, les perroquets sur l'épaule, tout ça, oui, c'est de la déco, du folklore. Ça sert à faire rêver les petits-enfants. Mais toi et moi, on n'est pas dupes, n'est-ce pas? Barbe Noire, Barbe Rousse, John Rackham, oublie tous ces gogos! Tu veux savoir à quoi ressemble la vie d'une vraie, d'une authentique pirate? Écoute bien ce qui va suivre. Dans les années 1800, l'empereur de Chine, Jacking, a bien du mal à trouver le sommeil. La nuit, il fait de vilains rêves. Sur l'onde calme et noire, dans la brume, il voit apparaître une jonque. C'est un bateau traditionnel chinois avec trois immenses voiles. À son bord, une silhouette sombre. Elle s'approche, de plus en plus près, jusqu'à dégainer son sabre en criant « Alors, Jacking, on fait toujours coin-coin dans son petit bain ?» Puis, elle enfonce sa lame brillante, en plein dans son ventre. Oui, nuit après nuit, l'empereur fait d'horribles cauchemars. Ce cauchemar porte un nom. Ching Shi. Ching Shi fait régner la terreur sur la mer de Chine. Femme de tête, femme de poigne, rusée et diablement vaillante, elle commande une ligue de plus de 70 000 pirates. Personne, je dis bien personne, n'a réussi à l'arrêter. Ouh! Tu sens là, ce petit vent frais? Le ciel se couvre de nuages? La mer s'agite, le tonnerre gronde. Ça y est, le voyage a commencé. C'est parti. Voici l'Odyssée de Ching Shi, la reine des pirates, la brigandine des mers, la plus puissante de tous les temps. On ne sait pas grand-chose de l'enfance de Ching Shi. Elle serait née vers 1775 dans le sud de la Chine. En revanche, il existe un très vieux portrait d'elle. Elle a environ 25 ans, les cheveux noirs, le visage pâle. Elle regarde devant elle avec un air de défi. Elle ne sourit pas. Ses lèvres sont closes. Entre nous, ça vaut mieux. Ses quenottes sont noires, cariées, toutes pourries. Ma parole! C'est pas des dents qu'elle a! C'est des méga chicots! Hey, oh! C'est bon, Laure! Ça va, là? Oh, pardon, Ching Shi, tu as raison. C'est vrai que je charge un peu la mule. Je veux dire, la barque! Ce petit portrait terminé, il est temps de nous poser la question. Comment est-elle devenue pirate? Eh bien, mais elle a été capturée, ma foi! Nous sommes en 1801, dans le port de Canton, au sud de la Chine. Sur les rives de la sublime rivière aux perles, au milieu des barques et des canards, s'élève un immense navire de bois sur pilotis. À la tombée de la nuit, le bâtiment s'illumine de milliers de lampions. On l'appelle le bateau fleur. C'est un lieu de plaisir. Ici, les hommes viennent manger, boire et rencontrer des femmes. C'est là que Qingxi travaille. Elle est esclave. Pour quelques pièces, chaque nuit, elle est obligée de vendre ses charmes. Merci la vie, hein. Alors ça, merci, hein. Je trime. Et en plus, c'est Madame Lu qui se ramasse tout le pognon. Madame Lu, c'est sa patronne. Elle a un cœur de fer. Notre héroïne ne rêve que d'une chose. Oh, prendre la poudre d'escampette. Enfin, une occasion se présente. C'est un soir de ciel orangé, presque rose, qui sont la sueur, le parfum et la mer. Dans sa minuscule chambre, Qingxi se prépare. Enfin, elle répète. Oh, Général Liu, vous êtes si spirituel. Votre esprit est aussi élevé que la porte du ciel. Pff, oh la barbe, hein. Bon, allez, ça fera l'affaire. Soudain, à travers la fenêtre, elle aperçoit trois immenses jonques au voile rouge, rouge comme le sang. Génial! Enfin un peu d'action! Ces navires, ils appartiennent à Ching Yi, le fameux, le redoutable chef pirate. Son nom fait frémir tous les marins, de la Chine jusqu'au Vietnam. Aussitôt débarqués, les pirates foncent sur le bateau fleur. Évidemment, c'est là que se trouve le Pez. Un sabre dans chaque main, ils s'emparent de toutes les richesses. Bijoux, or, peinture, tapis, tout y passe. Qingxi, elle aussi fait partie du butin. Oui, j'ai dit que je voulais un peu d'action. Mais là, c'est peut-être un peu exagéré. Hein. Ni une, ni deux, elle est jetée au fond de la cale. Aïe, oui, purée! Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, ma vieille? La jonque quitte le port. Ça y est. Elle prend la mer. Dans la cale du bateau, c'est tout sombre. Et puis... Ah, ça schlingue! Ah non, non. Non, non. Pas les pieds, non. Ça pue... L'urine? La crotte? Ah oui, c'est ça! Le vieux rat crevé! Qingxi n'ose bouger ni un orteil, ni une narine. Elle a la gorge sèche, ça brûle tellement elle a soif. Depuis combien de temps est-elle là, dans le noir? Quelques heures? Quelques jours? Impossible à dire. Elle somnole en se laissant bercer par le roulis du bateau. Et toi là? Réveille-toi! Un matin, enfin, on l'a fait monter sur le pont. La lumière l'éblouit. Ça pique! À droite, à gauche, devant, derrière, partout, c'est la mer et le ciel. Elle ne voit que du bleu. Qingxi arrive à peine à tenir debout. Le bateau tangue. Attention, là, une vague! La jeune femme s'accroche au bastingage. Elle vomit. La pauvre! C'est la première fois qu'elle se retrouve sur un bateau, en pleine mer. Bon, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Qingxi lève les yeux. C'est Qing Yi, le chef de la Ligue des Pirates, qui s'adresse à elle. La jeune femme ne se laisse pas dégonfler. Elle plante son regard, noir, intense, dans le sien. Puis, elle répond. Ce que vous allez faire de moi, eh bien vous allez m'apprendre. Sans tarder, elle commence sa formation de pirate. Bon, c'est pas gagné vu qu'elle n'a pas trop le pied marin, mais elle s'accroche. La mer est un monde incertain et terriblement dangereux. Une petite erreur et... Paf! Le navire se brise en mille morceaux contre un rocher. La piraterie est un art qui demande un paquet de connaissances. Il faut savoir se repérer, la nuit, grâce aux étoiles. Il faut comprendre les vagues et lire dans l'infini du ciel. Qingxi passe des heures à scruter le firmament. Elle apprend à grimper au sommet du grand mât, à charger la poudre dans les canons et bien sûr, à manier le sabre. Elle s'entraîne sans relâche, ses mains saignent, elle a des cloques. Qu'importe, elle ne rate aucune escarmouche. Sur le bateau, elle travaille vite, bien. Elle est discrète et diablement efficace. Les semaines, les mois passent. Qingxi porte désormais un pantalon et une chemise de soie recouverte d'une plaque d'armure. Elle possède son propre Dao, un sabre traditionnel chinois. Sa présence sur le bateau ne pose de problème à personne. Qingxi est devenue une grande, une authentique pirate. On la respecte, on la craint. Elle dirige plusieurs navires. Oh, waouh! Bien joué, Qingxi! Leur redoutable chef, Qing Yi, la remarque. Elle aussi, il lui a bien tapé dans l'œil. Ils se marient. En avant, le couple fait trembler jusqu'aux vagues de l'océan! Et lorsque son mari meurt, quelques années plus tard, en 1807, elle prend, à sa suite, le commandement. Qingxi se retrouve à la tête d'une impressionnante flotte. Près de 2000 bateaux, répartis en 6 escadrilles, arborant chacune un drapeau de couleurs différentes. Jaune, bleu, blanc, vert, noir et enfin rouge. Ma parole, c'est un véritable arc-en-ciel. Sans broncher, mousse, capitaine, commandant, 70 000 pirates se soumettent à son autorité. Qingxi se révèle une excellente chef. Sous sa direction, la Ligue des Pirates devient une parfaite machine de guerre. Il faut dire qu'elle a un sens de l'organisation hors du commun. Ce qui entre sur les bateaux, ce qui sort, elle contrôle tout. Chaque butin, chaque pièce, chaque dépense est consignée sur un registre. Elle seule a accès au trésor. À bord, elle impose un règlement extrêmement strict. Primo, interdiction de descendre du bateau pour raisons personnelles. Deuxio, on ne se sert pas dans le butin. Tertio, si des femmes sont faites prisonnières, interdiction de les approcher. Et si vous refusez de respecter ne serait-ce que l'une de ces règles, c'est la mort. Qingxi est également un génie de la stratégie. Elle ose ce que personne n'avait osé avant elle. En cas de poursuite, on se repliera dans les terres. Dans les terres? Mais je comprends pas là. C'est pas des pirates? Oh Laure, ouvre un livre de temps en temps, ou je sais pas, viens visiter les environs. Ici, près de Canton, c'est bourré de fleuves et de canaux. Avec nos joncs, on s'y faufile pépère et on s'évapore dans la nature en un clin d'œil. Oh mais oui! C'est une excellente idée. Les pirates de la Ligue sont contents. La nourriture ne manque jamais et ils ont tous un salaire à la fin du mois. Ses troupes bien en ordre, Qingxi peut conquérir le monde. La mer de Chine lui appartient à elle, la reine des pirates. Rien ne l'effraie. Les navires anglais et portugais qui, depuis quelques années, viennent lorgner du côté de la mer de Chine, elle les ratatine. Les bateaux de la marée chinoise, elle n'en fait qu'une bouchée. Et après, tu sais quoi? Elle a encore faim. L'empereur de Chine, Jacking, s'arrache la moustache. Et il charge plusieurs généraux de lui faire la peau. Tous, hélas, rentrent bredouille. Enfin, quand ils arrivent à rentrer, en un seul morceau. L'empereur n'a pas d'autre solution que de proposer la paix à Qingxi. Si elle accepte de se rendre, elle pourra conserver toutes ses richesses et vivre libre. Au départ, elle refuse. Et puis, elle apprend une terrible nouvelle. L'un de ses plus proches généraux s'est livré à l'empereur. C'est extrêmement dangereux. Le traître connaît toutes sortes d'informations ultra secrètes. En 1810, Qingxi, qui est très sage, finit par accepter la proposition de Jacking. Après tout, c'est l'occasion de se réinventer. La reine des pirates retrouve la terre ferme. Ses hommes, eux aussi, ont la vie sauve. Avec son pactole, Qingxi aurait ouvert un petit bar, pas mal du tout, dans le sud de la Chine, où elle aurait servi, paraît-il, jusqu'à la fin de sa vie, de délicieux cocktails. Fleur de lotus, dragon à six têtes, pétarade des mers, qu'est-ce que je vous sers? Je n'ai plus qu'une chose à ajouter, Chin-chin. Oh yeah. Ou comme le disent les Chinois, France-France. Oui, je sais. Celle-ci non plus, c'est pas ma meilleure. Derrière cet épisode, il y a Anne-Sophie Ladonne, Fanny Leroy, Benjamin Orgeret et moi, Laure Grand-Besançon. Contrairement à l'Europe, au XIXe siècle, en Chine, les femmes sont autorisées à naviguer. À la différence d'autres femmes pirates comme Mary Read ou Anne Bonny, Ching Shi n'a donc pas eu besoin de se faire passer pour un homme lorsqu'elle a rejoint les pirates. Les Odyssées est un podcast original de France Inter.